Et salut à tous, moi c'est Simon, Angel Dust sur la toile, et je suis auteur de jeux de rôle qu'on pourrait considérer comme alternatifs. Aujourd'hui, j'ai envie de profiter de l'occasion du Frankencast, non pas pour faire une définition du jeu de rôle alternatif, mais pour lancer une sorte d'appel, pour lancer une sorte de cri du cœur. Et ce cri, il vient d'une constatation. Que j'ai faite, qui est la suivante. Lorsque je suis en convention et que je propose des parties de démonstration de nos jeux, donc qui sont des jeux alternatifs, on va dire, qui sortent un peu du carcan habituel, des jeux mainstream, il arrive parfois que je rencontre des gens qui ont des sortes de blocages ou de pudeur. Lorsqu'on joue à des jeux comme Dané ou Héros d'Argile, qui impliquent de s'attacher émotionnellement, de montrer ouvertement ses émotions, j'ai parfois en face de moi des gens qui n'y arrivent pas, tout simplement. Alors, je remarque que ce sont souvent des hommes, mais je ne veux pas faire de généralité. Je dis pas que tous les hommes rôlistes sont comme ça. Simplement, j'aimerais lancer un message à vous qui avez cette pudeur ou cette carapace ou ce blocage lorsque vous tentez de jouer à des jeux alternatifs. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas grave de montrer ses émotions, ce n'est pas grave d'être tout le temps dans l'action, de tout le temps être le héros, de toujours faire en sorte que le monde va mieux, comme si le monde reposait sur vos épaules. Ce n'est pas grave de se faire des câlins en jeu, ce n'est pas grave de prendre son temps et de contempler. Ce n'est pas grave de s'attacher à un personnage fictionnel. Ce n'est pas grave de vivre le quotidien, la routine et d'explorer l'intimité des personnages. Ce n'est pas grave de pleurer. Ce n'est pas grave de ressentir ce que notre personnage ressent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas grave d'être sensible. Bien sûr, cette sensibilité, peut-être avez-vous tenté de la montrer par ailleurs, et peut-être que ce n'était pas facile, et ça je le comprends complètement. Souvent dans certains groupes ou avec en jouant à certains jeux, je me rends compte que ce n'est pas facile de s'attarder sur des instants chargés en émotions, ou en tout cas où on montre ouvertement nos émotions, car c'est souvent jugé comme inintéressant parce que ne contribuant pas à l'intrigue principale, ou n'aidant pas à résoudre l'enquête, ou n'aidant pas à aller sauver le monde. Alors, peut-être que c'est une pression sociale que je ressens, peut-être que ce sont simplement des comportements isolés auxquels j'ai pu faire face. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est justement profiter de ce podcast pour vous dire que être sensible, ce n'est pas grave. Et que les jeux alternatifs que moi j'aime personnellement sont ceux dans lesquels il est simple de ressentir toutes ces émotions. Il est simple d'être sensible, en fait. Que ce sont ces jeux qui mettent en place, en tout cas, des éléments qui me permettent d'être sensible. Et les gens avec qui j'aime jouer, à des jeux alternatifs ou à des jeux traditionnels, hein, sont des gens avec qui je peux tomber cette carapace, je peux être sensible, je peux tomber cette carapace que je pense la société nous impose, ou m'impose en tout cas à moi, en tant qu'homme. Ces jeux alternatifs que j'aime sont ceux qui me sortent de ce monde où l'homme n'a pas le droit d'avoir des émotions. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. Il y a souvent cette expression « sois un homme, mon fils », que j'entends. Et face à ça, j'aimerais vous rétorquer cet appel, qui est le fait d'ouvrir vos carapaces, mes amis. Osez être sensible, allez chercher cette sensibilité auprès des autres, formez des groupes où vous pouvez être vous-même sans avoir cette pression. Et certains jeux alternatifs facilitent cette démarche, mais cette démarche est possible avec n'importe quel type de jeu, à partir du moment où on rencontre les bonnes personnes, bien sûr. Voilà, je vais terminer sur cet appel. Osez être sensible.